mwen pa wè devan ni deyè. Lè tout lumiè tourne fè noir. Lè nan tristès ak problèm la vi. Mwen gen toi non pou mwen rele. Se loi sou tout la terre. Ou se papa ki gen tout pouvoir. Pa gen anyen kap fèm bliye. En haut la croix, sous mon Golgotha, pour racheter nous en bas péché.